La pipe. Je suis la pipe d'un auteur. On voit à contempler ma mine d'abyssinienne ou de calfrine que mon maître est un grand fumeur. Quand il est comblé de douleur, je fume comme la chaumine où se prépare la cuisine pour le retour du laboureur. J'enlace et je berce son âme dans le réseau mobile et bleu qui monte de ma bouche en feu. Et je roule un puissant dictame qui charme son cœur et guérit de ses fatigues son esprit.